Si tu me prononces mal le mot swing, je te mâche comme swing gum. Mon style bubble comme tous les MC à la gomme. Les mots sont croisés comme au Scrabble. Quoi qu'est-ce qu'elle a ma gueule de bois, moi pas par les langues de bois. Oui, cadré j'ai de l'aide, mais pas de l'Académie française. Déploie ton flow comme le jeu footballistique à la Nantaise. Sors de tes charentaises, j'attaque par les ailes. Et yo Gérard rentre dans ma parenthèse. Si je subis d'avoir le nez rouge comme un rubis, c'est que ma lubie c'est David et des cubis. Ne sois pas dubitatif, j'attends pas le 8ème jour pour me foucaine comme Pascal Duquesne. Je suis trop con mais je mérite la panne. Il me tout le temps mais ils au fond, je crois qu'il est très gentil. Dans toutes les raisons c'est beautiful people only. Heureusement qu'il y a des teufets pour les pourris. L'underground gronde, tu rentres dans la ronde. Des potes que je distribue comme Jésus-Christ à sa table. C'est palpable, mon flow n'est pas malléable et imperméable à l'érosion du temps, à l'éclosion d'un agent. Dans ma vie privée, dans mon style, me faire bouger d'un yacht, un gars, ce sera difficile. Sprinkles dans tes réceptions, comme un gaga répétition. J'ai toute une ration d'aberration. Si tu veux plus que je fasse péter le son, trouve un produit de substitution ou signe avec les voisins la pétition. Tu trouves ça lamentable et blâmable, mais tu peux te branler pour ébranler l'inébranlable. Car je suis indestructible, m'octroie le droit imprescriptible de parler de mon sexe descriptible. Le SVNK, ELS à bord, sans souliers magiques. Représente le SVNK, résiste à l'Achillée. Le SVNK, ELS à bord, sans souliers magiques. Représente le micro. L'âme qui transforme loin pour loin. Comme une fraction d'action directe, je terrorise. Rentre les mots, les mémorise. Quand la bite, si tu fleuris, mais rougisse. Épris de poisson, poison dont je suis le prisonnier. Santé ruine et gueule de bois d'art, s'y voit incarcéré. J'ai besoin d'une médecine sexuelle comme Marvin. Je m'attaque pas aux petites filles comme Marc Dutroux ou le groupe Gamine. Gentleman dans l'âme, mes versions Charclos. Connais la différence entre une femme et un frigo. Je suis le meilleur en tout, c'est tout. Graisse-moi les pistons, mais lâche-moi les roustons. Juste ton pouce, ton pénis n'est pas plus long. Basse, se débarrasse, c'est ratiste, tous les ersatz. Mon haleine s'enlaye comme 4. Remets-moi dans ma cage comme Joël Bax. Tu flippes sur mon style calligraphié devant l'avalanche de phases. Même si ce sont des trop vieux, je ponctue mes phrases d'atroce faciès comme Louis de Funès. Et s'il y a un abcès comme Julien, je le pèse. Ma vengeance serpente, ma plume réglo à la Louis Rego. Toute ma bande à dessine des odeurs comme Charlie Slingo. Des rimes en famille en or, j'en sors, elles brillent comme des lingots. Tu les absorbes, les gobes comme des murs de berlingot. J'kiffe, pars en égo trip comme sur ton mégot, tu trip. Je sors mes tripes visqueuses comme un bigorneau escarglot. Quand je les écrase comme un mégot stupéfiant, j'lis l'ego. Les mots sont assemblés comme les plus complexes de tes Lego. Bienvenue à Legoland où tous les nigoglandes font dans l'ego. Call me Nigo, c'est un appel du Nico. Lali lali, on rock toutes les parties. Kick this vink, mais dans le vent tous les fonds chiés ont un goût. Qui c'est qui fait cette fée? Va lui dire que j'ai déjà éclaté son parquet avec des trous de boulettes, des traces de canettes passées par la fenêtre et j'ai tué son chien pépette. Me suis assis dessus, je l'avais pas vu. Il a fait un bide, les yeux exorbités comme un triplé sous acide. Bouge-toi les oreilles, bouge-toi les orteils. Prends ta carte vermeille comme Simone Jibay. Les MC Pex bégayent comme une vieille caliste à son appareil. Tu voudrais m'avoir, pas de mal à veille. On va la faire, y'a pas de trêve sur les salmanies. Les rois de la galette, tous les jours c'est l'épiphanie. Donc remue ta croupe, qu'on applique toute ma troupe. Sprinkles dans ton cœur, le nouveau boys group. Le SVNK, ELS à bord, sans souliers magiques. Représente le SVNK, résiste à la killer. Quel horreur. Le SVNK, ELS à bord, sans souliers magiques. Représente le SVNK. Frédéric Linsac en attaque pour le SVNK. Serviteur, monsieur Xavier, une expression de bon.